Chapitre 6e, Tobolsk. Notre voyage dura un mois. Parti le 11 mars, nous étions à notre destination le 11 avril 1839. Tobolsk est la capitale de la Sibérie occidentale. Quoiqu'on sentît déjà la douce chaleur du printemps, le sol était encore couvert de neige et les montagnes déversaient des torrents d'eau neigeuse. Après les formalités officielles, nous prîmes gîte dans une auberge, Gastinitsa, destinée aux voyageurs. J'éprouvais un moment de vif plaisir en me voyant dans une chambre convenable et qui allait m'appartenir. Je pourrais enfin disposer de mon temps, reprendre les occupations suivies, et au-dessus de tout cela, je ne serais plus aux ordres d'un postillon hargneux. Je n'entendrais plus le son aigre et monotone des grelots du traîneau. Je serais presque libre, presque heureuse. Enfin, j'aurais le repos, ou plutôt la liberté de la pensée. Hélas, dans l'étonnement de pouvoir goûter un peu de calme et de bien-être, j'avais oublié qu'il faudrait bientôt repartir. Et comme aux pauvres juifs errants, on nous disait « marche, marche ». C'était notre fatale devise. Le terme, le but de notre exil, qui pouvait en prévoir la fin? On nous fit séjourner à Tobolsk, parce que les éléments nous accordaient leur sinistre protection. Les rivières débordaient, et les torrents envahissaient toute la contrée avec des mugissements affreux. Il était donc impossible de se mettre en route. Il fallut attendre le moment où les fleuves commençaient à se retirer. Dès que je fus installé dans ma nouvelle demeure, je cherchais à me faire des occupations. J'avais emporté quelques livres permis. Je pensais qu'ils me seraient d'une très grande ressource, mais la Providence me réservait des consolations inespérées, et je rencontrai à Tobolsk plusieurs de mes compatriotes venus là de la Postnanie, de la Volhynie, de Vilna, etc. Ils nous avaient devancés dans l'exil depuis une semaine. Le même malheur nous frappait, la même foi politique, le même amour de la patrie nous unissait. Cette communion suprême de sentiments et de pensées faisait de nous une même famille, et nous sentîmes un si grand bonheur en nous serrant la main, qu'il nous sembla que notre courage serait au-dessus de toutes les épreuves qui nous étaient réservées. La vie d'auberge qui nous avait paru supportable par comparaison ne tarda pas à nous déplaire, et toute la petite colonie polonaise décida de louer une maison pour y former une sorte de phalanstère. La neige fondait à l'approche du printemps, et les rues commençaient à être praticables, ce que nous souhaitions fort, car jusque-là, il nous avait été impossible de sortir. Mais nous habitions la ville basse, dont les rues ne sont pas pavées. Des poutres, l'une contre l'autre, suppléent au pavage, et cela rend la circulation très difficile dans les mauvais temps. Enfin, nous pûmes faire quelques promenades et voir des personnes qui nous avaient été recommandées. Tobolsk est située sur la rive droite de l'Irich. Ces maisons sont pour la plupart construites en bois. Elles n'ont aucune peinture à l'extérieur, ce qui donne à toute la ville un aspect assez sombre. Les églises, et elles sont, je crois, au nombre de 10, sont toutes bâties en pierre. Si on distingue quelques grands hôtels construits en briques, ils appartiennent à l'État ou à des négociants riches. L'hôtel de ville est d'une architecture remarquable. On montre aussi, comme une des curiosités de Tobolsk, une maison élevée par les prisonniers suédois déportés en cette ville après la célèbre victoire de Poltava. Je ne dois pas oublier de mentionner l'évêché qui, par son admirable position, domine toute la ville. Il est placé sur un monticule dont il couronne le sommet et il fait partie de ce qu'on appelle la ville haute. La ville basse s'étend sur une grande plaine échancrée par le cours sinueux de l'Irtych. Elle repose sur les bords du fleuve, ce qui rend les habitations charmantes en été, mais tristes et humides en hiver. Le terrain n'est point accidenté. Il présente une ligne droite d'un aspect monotone. Il y a une telle uniformité dans l'alignement des rues qu'on s'égare facilement quand on est étranger à la ville.